Premier livre des Chroniques, chapitre 9. Ainsi tous ceux d'Israël furent rangés par généalogie, et voilà, ils sont écrits au livre des rois d'Israël, et ceux de Juda furent transportés à Babylone à cause de leurs péchés. Mais ce sont ici les premiers qui habitèrent dans leur possession, et dans leur ville, tant d'Israël, que des sacrificateurs, des Lévites, et des Néthiniens. Et il demeura dans Jérusalem, des enfants de Juda, des enfants de Benjamin, et des enfants d'Ephraïm et de Manassé. Uthaï fils d'Amilu, fils d'Onri, fils d'Inri, fils de Bani, des enfants de Pharé, fils de Juda. Et des Silonites, Azaïa le premier-né, et ses fils. Et des enfants de Zara, Jéuel, et ses frères, 690. Et des enfants de Benjamin, Salu fils de Mésulam, fils d'Odavia, fils de Hasenua. Et Jibneja fils de Jéroam, et Ella fils d'Uzi, fils de Mikri, et Mésulam fils de Safatia, fils de Réuel, fils de Jibnija. Leurs frères, selon leur génération, furent 956. Tous ces hommes-là furent chefs des pères, selon la maison de leur père. Et des sacrificateurs, Jédaja, Jéojarib, et Jacquin. Et Azaria fils d'Ilkija, fils de Mésulam, fils de Tsadok, fils de Merajot, fils d'Aitub, conducteur de la maison de Dieu. Et Adaja fils de Jéroam, fils de Passur, fils de Malkija, et Maazaï, fils d'Adiel, fils de Jazera, fils de Mésulam, fils de Mésiémite, fils d'Imé. Et leurs frères chefs en la maison de leur père, 1760 hommes, forts et vaillants, pour faire l'œuvre du service de la maison de Dieu. Et les Lévites, Semaja, fils de Azub, fils d'Azricam, fils de Azabia, des enfants de Merari, Bakbakar, Ere, et Galal, et Matania fils de Mika, fils de Zikri, fils d'Azaph. Et Obadia fils de Sematia, fils de Galal, fils de Jédutin, et Beresia, fils d'Aza, fils d'Alcana, qui habita dans les bourgs des Netophatiens. Et quant aux portiers, Salom, Akub, Talmon, et Aïman, et leurs frères, mais Salom était le chef, et il l'a été jusqu'à maintenant, ayant la charge de la porte du roi vers l'Orient. Ceux-là furent portiers selon les familles des enfants de Lévi. Et Salom fils de Coré, fils d'Ebiasaph, fils de Coré, et ses frères Corites, selon la maison de son père, avaient la charge de l'ouvrage du service, gardant les vaisseaux du tabernacle, comme leur père en avait gardé l'entrée au camp de l'Éternel, lorsque Phiné, fils d'Éléazar, fut établi chef sur eux en la présence de l'Éternel, qui était avec lui. Et Zachari fils de Mézélémia était, le portier de l'entrée du tabernacle d'assignation. Ce sont là tous ceux qui furent choisis pour être les portiers des entrées, 212, qui furent mis selon les familles par généalogie, selon leur bourg, comme David et Samuel le voyant les avaient établis dans leur office. Eux, dis-je, et leurs enfants furent établis sur les portes de la maison de l'Éternel, qui est la maison du tabernacle, pour y faire la garde. Les portiers devaient être vers les quatre vents, savoir, vers l'Orient et l'Occident, vers le septentrion et le midi. Et leurs frères, qui étaient dans leur bourg, devaient venir avec eux de 7 jours en 7 jours, de temps en temps. Car selon cet ordre, il y avait toujours 4 maîtres portiers, lévites, qui étaient même commis sur les chambres, et sur les trésors de la maison de Dieu. Et ils se tenaient la nuit tout autour de la maison de Dieu, car la garde leur en appartenait, et ils avaient la charge de l'ouvrir tous les matins. Il y en avait aussi quelques-uns d'entre eux commis sur les vaisseaux du service, car on les portait dans le temple, par compte, et on les en tirait par compte. Il y en avait aussi qui étaient commis sur les autres ustensiles, et sur tous les vaisseaux consacrés, et sur la fleur de farine, et sur le vin, et sur l'huile, et sur l'encens, et sur les choses aromatiques. Mais ceux qui faisaient les parfums des choses aromatiques, étaient des enfants des sacrificateurs. Et Matitia, d'entre les Lévites, premier-né de Salom, Corite, avait la charge de ce qui se faisait avec les plaques. Et il y en avait d'entre les enfants des Kéatites, leurs frères, qui avaient la charge du pain de proposition pour la prêter chaque sabbat. Et d'entre eux il y avait aussi des chantres, chefs des pères des Lévites, qui demeuraient dans les chambres, sans avoir autre charge, parce qu'ils devaient être en fonction le jour et la nuit. Ce sont là les chefs des pères des Lévites, selon leur famille, ils furent chefs, et ils habitèrent à Jérusalem. Or Jéiel, le père de Gabaon, habita à Gabaon, et le nom de sa femme était Maaka. Et son fils premier-né Abdon, Pitsur, qui, Baal, Ner, Nadab, Gédor, Ayo, Zachari, et Miklot. Et Miklot engendra Siméam, et ils habitèrent vis-à-vis de leurs frères à Jérusalem avec leurs frères. Et Ner engendra qui, et qui engendra Saül, et Saül engendra Jonathan, Malkissua, Abinadab et Esbaal. Et le fils de Jonathan fut Merib-Baal, et Merib-Baal engendra Mika. Et les enfants de Mika furent, Pithon, Mélec, Taréa, et Achaz. Et Achaz engendra Jara, et Jara engendra Almet, Azmavet, et Zinri engendra Motsa, et Motsa engendra Bina, qui eut pour fils Réphaja, qui eut pour fils Elaza, qui eut pour fils Hatzel. Et Hatzel eut six fils, dont les noms sont Azrikam, Bokru, Ismaël, Seharia, Obadia, et Anan. Ce furent là les fils d'Hatzel.